Édito, page 3, en direct avec le maire. Continuer à défendre nos valeurs autour de l'exemplarité. Gérer l'argent public est une responsabilité devant laquelle il est interdit de s'octroyer la moindre dérive, la moindre faiblesse. Chaque élu, du plus petit niveau aux plus hautes fonctions du pouvoir, doit être soumis aux mêmes règles d'intégrité et de probité. Il serait trop facile de demander d'importants efforts à nos concitoyens, nécessaires au redressement des comptes de la nation, et dans le même temps, de se soustraire à l'exemplarité. Présider aux destinées de notre belle ville est pour moi un honneur, et ce, depuis le premier jour où vous m'avez accordé votre confiance. Avec l'équipe municipale actuelle, comme ce fut le cas avec les précédentes, en 2001, puis en 2008, nous avons à cœur d'assumer nos missions en œuvrant dans la transparence. Depuis 16 ans maintenant, il ne s'est pas passé un instant sans que je songe à l'immense chance que nous avons de vivre en démocratie dans un pays comme la France. Si nous voulons la préserver, nous devons être les gardiens de l'exemplarité, sinon, qui croira demain en nos paroles ? Le discours de nos politiques n'est plus audible, puisqu'à certains moments la petite musique des affaires est plus forte que le message des décideurs. Je veux pourtant croire encore en la noblesse de la politique, car c'est elle qui, au quotidien, permet de bâtir des projets au service de tous et ce, dans tous les domaines. Certains comportements, et ces faits à répétition, entachent le travail de milliers d'élus de base qui, croyez-le, s'investissent avec un sens de l'intérêt général dont il ne faut pas douter. Plus que jamais, la situation dans laquelle se trouve notre pays et l'inquiétude croissante de nos concitoyens nous obligent à faire preuve d'humilité et d'honnêteté. Ce contexte nous invite à agir avec courage en privilégiant l'éthique, le respect de chacun, pour lutter contre les fléaux de la défiance et pour endiguer la colère qui menace notre démocratie. Notre tâche est immense et les espoirs qu'elle nourrit seront déterminants pour l'avenir de nos valeurs républicaines. Laissons la séduction aux démagogues, il est désormais temps de convaincre par des actes efficaces et des résultats. C'est avec ce sens du devoir et en étant parfaitement conscient des comptes qu'il vous doit que votre conseil municipal entend avancer. La commune, comme l'intercommunalité, offre cette grande proximité entre les élus et les concitoyens dont les exigences sont fortes et légitimes à la fois. La ville ou le pays de Château-Gontier sont des mécaniques de précision. Le dialogue, la transparence, la sincérité sont des moteurs propres pour avancer tous ensemble vers l'avenir. Philippe Henry, maire de Château-Gontier-Bazouges. Illustration : Portrait du maire de Château-Gontier-Bazouges, Philippe Henry.